Micro ouvert. Je pense que le confinement qui nous a été imposé est, au niveau mondial, d'ailleurs pas seulement au niveau français, un test incroyable de soumission à l'autorité. Le cinéaste et romancier Gérard Mordillat. Vous savez, ces tests qu'avait fait dans les années 50-60 Stanley Milgram, un sociologue américain, qui poussait des gens à obéir. Et ils obéissaient tous. Ils devaient envoyer une impulsion électrique qui, soi-disant, électrocutait en fait un acteur. Et ils allaient jusqu'au bout, parce que celui qui donnait des ordres avait une blouse blanche et avait autorité. Eh bien, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ça. Dans le confinement, on nous fait obéir à des ordres dont nous n'avons aucun moyen de vérifier le fondement. Il n'y a pas de voix qui puisse s'y opposer. Et au nom de la sécurité, nous courbons la tête et nous faisons ce qu'on nous dit de faire sans rien savoir en réalité. Et ça, je pense que ça porte en soi quelque chose de terrible parce que c'est de façon très profonde, très secrète, habituer la population à obéir, à ne jamais contester, à ne jamais réfléchir surtout, et à être, comme on dit dans l'armée, le petit doigt sur la couture du pantalon. C'est ça que m'inspire ce confinement. Et avant de s'écouter tout de suite Dominique, qui a fait une vidéo qui a cartonné sur le réseau, suite aux mesures de ce masque obligatoire partout à Bruxelles, on s'écoute avant un morceau de musique. Il y avait un homme ce matin, comme hier d'ailleurs, il y avait un homme ce matin sur le cul. Il y avait un homme ce matin ainsi qu'une femme sur le cul. Comme hier d'ailleurs, il y avait 10 hommes. Ce matin, ainsi que 10 femmes sur le cul, des enfants couraient mignons après les pigeons qui s'envolaient. Se reposait, s'envolait. Comme hier d'ailleurs. Thank you. Il y avait 100 hommes ce matin, ainsi que 110 femmes sur le cul. J'écoute, on écoute le volume de votre voix, oui. Pour voir si c'est OK. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, ça marche bien. C'est parti, on se retrouve. C'est Gradiella, c'est ça, hein. Oui. Et vous, on peut donner votre petit nom ? Domi. Voilà, Domi, Dominique. Dominique, oui. Et donc, l'idée de se rencontrer, c'est évidemment toutes ces histoires de masse, de pas masse, ça crée évidemment plein de polémiques, plein de bagarres aussi, c'est fatigant tout ça aussi. Puis les mesures changent, on dit à la base pas obligatoire, maintenant c'est obligatoire, on est rentré dans la phase obligatoire partout à Bruxelles. Après je sais pas où ça se passe en Belgique, comment ça se passe dans la Belgique, mais là on se retrouve à Bruxelles. Et plein de gens donnent aussi leur avis. Et lorsque je trouvais vous, qui était un petit peu atypique, c'est que vous êtes la bonne femme d'Hucle bien bourgeoise, comme ça, qui avait fait une vidéo. 10 minutes Oui, je pense, une dizaine de minutes, oui. Voilà, vous prenez bien le temps de vous poser et d'expliquer maintenant ras-le-bol. Et j'avais envie qu'on se rencontre. Mm-hmm. Vous êtes super, vous dites oui. Mm-hmm. Et voilà. L'idée, c'est de dire, mais tiens... Qu'est-ce qui se passe dans votre tête pour avoir envie d'en faire une vidéo et de vous positionner très clairement pour finir contre ce masque, contre ces mesures qui sont folles, qui empêchent de vivre un peu. Enfin, vous allez nous traduire un petit peu votre vidéo. Oui. En fait, ce jour-là, j'étais depuis plusieurs jours en colère et triste. Je crois que c'est vraiment les deux sentiments qui m'animent d'ailleurs encore aujourd'hui. La colère contre ces mesures qui n'ont aucun sens, qui sont vraiment faites en dépit du bon sens. Hein. Vraiment, je pense que s'il y a une chose qui manque dans toute cette crise, c'est le bon sens. Et la tristesse aussi. La tristesse par rapport au monde qu'on va laisser à nos petits-enfants. Moi, j'ai une petite fille, j'ai une fille aussi. Et je me dis, mais c'est pas possible. Et quand je me promène en rue, encore comme aujourd'hui, j'étais en voiture et je suis atterrée de voir les gens tous masqués. Et en fait, voilà, on est dehors. Il fait aujourd'hui 25 degrés, il fait beau. Ça devrait être une période où on est dehors, où on s'oxygène, où on fait du sport, où on bouge, où on rit, où on chante, où on prend vraiment toutes les vitamines et tout le bon de ce que la vie et de ce que la nature nous donne. Et en fait, on est privé de ça. On est privé à cause du masque, on est privé à cause de toutes ces mesures de bulles, etc. Et voilà. Et ce matin-là, comme je l'ai dit, ça ne va plus. Ça n'allait plus du tout. Et c'est parti comme ça, j'ai pris mon micro, j'ai pris mon téléphone et j'ai voulu dire à la terre entière, maintenant stop, ça ne va plus. À la terre entière, vraiment ? Mais je pense que quand on fait une vidéo, on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Je pense que quand on fait une vidéo et qu'on se met, c'était en mode public, donc voilà, je ne savais absolument pas quel allait être l'impact de la vidéo. J'ai été complètement surprise. Hein. La vidéo a fait quasiment 180 000 vues. Donc, c'était assez phénoménal. J'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages d'une extrême gentillesse, d'encouragement. Plein de gens qui m'ont dit « Vraiment, je pense comme vous. Je suis atterrée, etc. » Il y a plein de gens qui m'ont envoyé la photo d'eux avec leur pancarte autour du cou. Ils trouvaient ça une idée fabuleuse. Voilà. Il faut expliquer, hein, parce que... Oui, c'est vrai, vous n'avez pas vu. Enfin, oui. Pour les gens qui n'ont pas vu. Voilà. Donc, dans cette vidéo, j'explique que j'en ai ras-le-bol de toutes ces mesures qui n'ont aucun sens et que je décide... à l'époque, le masque n'était pas encore obligatoire en rue, à l'extérieur. C'était simplement obligatoire dans les magasins et dans certaines rues fréquentées. Et donc, évidemment, je suis obligée d'aller faire mes courses, comme tout le monde, malgré que... Alors, je ne suis pas du tout une fan de shopping, c'est vraiment pas mon style. Donc, ben voilà, je dois aller faire mes courses et mettre ce masque, c'était pour moi une ineptie par rapport au déroulement aussi de toute la situation depuis le mois de mars, par rapport à ce que plein de médecins nous disent maintenant, pas ceux qui sont payés par les gros labos ou les experts avec des gros guillemets, où je pense qu'il y a des conflits d'intérêts énormes. Voilà, et j'ai dit ras-le-bol, moi maintenant, mais j'ai pas le choix, je dois le mettre, ce masque, dans les magasins, parce que sinon, on va m'interdire l'entrée du magasin. En plus, si je ne le mets pas, la personne qui m'autorise à rentrer pourrait avoir une amende, etc., ce que je ne veux pas. Donc j'ai décidé de faire, avec une petite culotte, un masque en dentelle, et j'ai pendu à mon cou une pancarte où j'ai noté, je ne sais plus ce que j'ai noté d'ailleurs, il nous contrôle, il nous ment, il nous contrôle, je ne veux pas de ce monde pour mes petits-enfants. Voilà. Et ce matin-là, j'ai été faire mes courses comme ça. Et ça m'a demandé un courage énorme parce que, voilà, c'est quand même se mettre... Ouais, c'est se faire remarquer, c'est quoi. C'est se faire remarquer. C'est se faire remarquer ce que je n'aime pas. Et c'est pas spécialement votre tempérament ? Non, c'est pas mon tempérament. Je suis quelqu'un d'assez extraverti, mais c'est pas mon tempérament de me faire remarquer. Donc voilà, et ce matin-là, je me disais, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse quelque chose pour mes enfants et pour mes petits-enfants. J'avais l'impression d'être coincée, d'être vraiment prise dans une toile d'araignée, d'une folie furieuse où plus rien n'a de logique. Il y a une espèce de... Comment est-ce que je vais dire ça comme ça? Une espèce de réaction nucléaire. Là. Le truc s'est emballé et on a l'impression... On ne sait pas où ça va s'arrêter. Et voilà, et j'ai eu besoin de dire ce stop. Donc voilà. C'est votre première vidéo ? Alors, au niveau professionnel, je fais des vidéos sur ma page professionnelle, mais qui n'ont rien à voir évidemment avec ça. Mais voilà, ça c'est ce que je fais pour alimenter ma page professionnelle. Mais oui, c'est ma première vidéo comme ça, ou comme je le dis dans la vidéo, je me mets à nu, c'est pas facile. J'avais absolument pas envie de faire cette vidéo. Je me suis pas dit le matin, ah voilà, je vais faire une vidéo sur Facebook, je vais devenir influenceuse. Et non, vraiment pas, c'était pas facile du tout. Mais j'avais besoin de le faire. Et je crois que ce qui a plu, au-delà du fait que les gens pouvaient être d'accord ou pas d'accord avec moi, je crois que ce qui a plu et ce qui a touché, c'est ma sincérité. Je n'ai pas fait de montage dans ma vidéo. Je fais des montages dans mes vidéos professionnelles. Hein, quand je bute sur un mot, ou quand je me dis non, là, je n'ai pas été très claire, etc. Donc là, je fais des montages et je le dis vraiment, je ne ferai aucun montage. Je vous donne mon message brut et je veux que vous le receviez de manière brute. Donc je veux être claire, réelle, authentique. Voilà. Je crois que c'est bien passé quand même. Mais moi, ce que j'aimais bien, c'est qu'on ne peut pas vous... Vous n'êtes pas militante, vous n'êtes pas... Enfin, peut-être, ceci dit. Mais je ne sais pas, vous voyez. Oui, vous êtes militante. Mal... Qu'est-ce que c'est militante ? Non, mais vous voyez... Faisant partie d'un groupe vraiment, vous savez, super engagé, machin, ça donnait pas l'impression, ça donnait vraiment l'impression d'une dame comme ça, qu'on avait ras-le-bol. Et, vous voyez, on entend beaucoup parler de. Comment c'est ce terme que chaque fois j'oublie de trouver des idées derrière la tête, que les gens regardent des choses et d'office ils se méfient parce qu'il y aurait quelque chose caché, ça porte le nom de. Complotiste, voilà, vous voyez. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne peut plus parler en étant critique de ce qui se passe. Après, ce serait bien de rentrer, évidemment, dans le cœur du sujet, hein, parce que vous expliquez, oui, le masque, voilà, c'est terrible. Mais au fond, on a envie de vous répondre. Et je discutais avec un gars au parc que je ne connaissais pas sur le banc, qui avait envie de parler, évidemment, de ces histoires de masques, et qui disait, oui, mais dès qu'on a une petite... dès qu'on est un peu obligé de faire quelque chose pour le collectif, alors ça y est, tout le monde s'énerve. Vous voyez, dans votre propos ici maintenant, ce serait bien aussi de défendre, parce que si je vous écoute, ça fait comme si, oh, moi le masque, il y en a marre maintenant, j'aimerais bien qu'on arrête ça, c'est pas marrant, c'est sûr que c'est pas marrant, et ça n'amuse personne de mettre un masque, vous voyez ce que je veux dire? Mais il faudrait un petit peu dire qu'est-ce qu'il y a derrière, selon vous, ce masque, vous voyez? Vous me demandez en fait ce que je pense qu'il y a derrière le masque ou vous me demandez pourquoi je ne veux pas mettre de masque ? Oui, pourquoi vous ne voulez pas mettre de masque ? Parce que ça donne l'impression comme si... bon, Il y a des gens, ils ne se posent pas trop de questions, il faut mettre le masque, bah oui, c'est très bien pour les mesures sanitaires, soyons vigilants, oui, ce n'est pas marrant, mais faisons tout bien pour ne pas contaminer soi-même, les autres, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Alors moi, je pense que dans chaque acte qu'on pose dans la vie, il y a deux éléments. Il y a le yin et le yang. Il y a ce que l'acte va entraîner de positif et ce que l'acte va entraîner de négatif. Dans le masque, c'est la même chose. Pour moi, mettre un masque en extérieur alors que les médias enflamment et font un pataquès des chiffres parce qu'en fait, il les manipule, il manipule ces chiffres. D'ailleurs, on a vu encore cette semaine, je pense que c'est M. Rentier, qui est l'ex-recteur de l'Université de Liège, je pense, qui a vraiment tapé sur le clou et qui a expliqué que ces chiffres qu'on nous donne, ou on nous donne tous les jours, des chiffres en disant aujourd'hui il y a X cas, il y a X cas, il y a 1000 cas, 10 000 cas, je ne sais pas, je ne connais pas les chiffres. Mais ce sont des cas. Au plus vous testez, au plus il y aura des cas, mais ce ne sont pas des gens malades. On voit bien que les chiffres de rentrée en hospitalisation, les chiffres de rentrée en soins intensifs, tout ça c'est hyper bas. On n'est plus du tout dans la même situation qu'au mois de mars. Mais comment vous savez ça, Dominique ? Mais parce que je m'informe, parce que je regarde les chiffres et parce que quand on dit le nombre de cas, j'ai un cerveau qui fonctionne et j'écoute aussi, en fait, je ne sais pas que j'écoute aussi, évidemment, j'ai, sur ma page Facebook, par exemple, ou par d'autres canaux, des gens qui me partagent des articles de la presse, on va dire, de la presse normale, hein, des merdias, comme je les appelle. Des mainstream, comme on dit. Oui, ou des merdias. Dominants, quoi. Voilà. Donc, eux disent, voilà, ça recommence à augmenter, etc. Mais quand on regarde les chiffres, et c'est ce que M. Rentier a fait, en fait, quand on regarde vraiment les chiffres de, je ne sais plus comment il s'appelle, cet organisme, CNCO, ou, enfin, voilà, quand on regarde leurs chiffres, on voit bien que le nombre d'hospitalisations est ridicule, même un, c'est toujours grave. Je ne suis pas en train de diminuer la souffrance des gens qui sont malades. Ma maman l'a eu. Donc je suis bien placée pour savoir que c'est une maladie qui tue, mais qui tuait très très fort au mois de mars, qui ne tue quasiment plus maintenant. Et pourquoi elle a tant tué au mois de mars ? Parce qu'on n'était pas préparé, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas de masque. Et là, on aurait dû en mettre. Moi-même, j'ai été en acheter sur le net. Je me suis fait fustiger par certaines personnes qui me disaient « Oui, mais le masque que vous avez là, c'est pas vous qui devriez le porter, vous devriez le donner au personnel soignant. » J'ai été acheter des masques FFP2 pour aller faire mes courses. Donc, je ne suis pas quelqu'un de complètement inconscient, etc. Je me souviens que je laissais dans l'entrée mes courses, qui ne devaient pas aller au frigo. Je les laissais pendant 3 jours là, dans un espèce de sas de décontamination pour pas les rentrer dans ma cuisine. D'accord ? Mes tomates, mes fruits, mes légumes, je les lavais tout de suite, je me lavais les mains, etc. Donc à ce moment-là, oui, on ne savait pas ce qui allait se passer, on ne connaissait pas le virus, ma mère l'avait. Et ce qui a été terrible, c'est que ma maman, donc, qui est en maison de repos, l'a attrapée. 2 jours plus tard, mon médecin m'a téléphoné un jeudi, je m'en souviendrai toujours, il était midi. Elle m'a dit, voilà, Dominique, ta maman ne passera pas le week-end, il va falloir que tu viennes. Est-ce que tu veux venir ou pas, en sachant que tu vas devoir mettre des combinaisons, des masques, etc. Mais pour les gens qui vont décéder, donc à ce moment-là, on ne pouvait pas rentrer dans les maisons de repos, hein, mais pour les gens qui vont décéder, la famille peut venir. Donc c'était terrible, il était midi. J'ai dit, bien sûr que je vais venir, Patricia, je veux dire au revoir à ma mère, c'est juste horrible. À 5 heures, elle me rappelle, mue par un espèce de sentiment de rage et de colère, et elle me dit « Je suis scandalisée, c'est pas parce qu'il y a le Covid qu'on doit laisser mourir nos anciens comme ça, je vais appeler une ambulance et je vais faire en sorte qu'elle rentre à Sainte-Élisabeth. » Je dis « Bon, ok. » C'est la même dame qui change un peu de... Oui, complètement. À ce moment-là, ces médecins étaient complètement débordés, etc. C'était juste l'enfer. Dans le home, enfin dans la maison de retraite plutôt où est ma maman, je ne sais plus combien de cas il y a eu, mais c'était une hécatombe. Voilà. Et donc elle me dit ça, ma mère rentre finalement à l'hôpital où à 9h, mon médecin me rappelle en me disant, je m'en doutais bien, ils ne l'ont pas gardé. Ils l'ont gardé 3 heures, mais ils n'ont pas voulu, ils ont dit au médecin, texto, on ne garde pas cette dame, il faut qu'on garde les lits en réanimation pour des personnes plus jeunes. Ce que, en soi, en cas de crise, je peux encore comprendre, même si c'est terriblement dur à entendre quand c'est sa maman. Okay. Mais je peux encore comprendre. Elle a eu la chance d'avoir reçu le traitement à l'hydroxychloroquine et à l'azithromycine. Hein. Comment elle a eu la chance? Ben parce qu'on le lui a donné là-bas. Dans cet hôpital-là? Dans l'hôpital. Et on a continué à le lui donner, j'imagine. Là, ça, je ne connais pas vraiment les tenants et les aboutissants, mais j'imagine qu'elle est repartie avec sa petite boîte de médicaments. Et que, voilà, est-ce qu'on lui a fait des injections? Ça, je n'en sais rien. Mais j'ai demandé à mon médecin et elle m'a dit oui, c'est le traitement qu'elle a reçu. 2 jours plus tard, ma mère allait bien. Alors, je ne dis pas que 2 jours plus tard, elle était sortie d'affaire. Mais 2 jours plus tard, elle allait beaucoup mieux. Elle était avec un petit tuyau d'oxygène dans le nez. Donc, elle n'était pas du tout intubée. Mais elle était de nouveau dans sa maison de retraite. Et elle en est sortie. Ma mère a 87 ans. Elle pesait, et elle pèse toujours, 39 kilos. Ma maman, c'était un oiseau pour le chat. Elle en est sortie. Alors, quand j'entends des gens qui... disent que tous ces gens qui suivent le professeur Raoult, ce sont des complotistes, mais pour qui est-ce qu'ils se prennent, ils ne sont pas médecins, etc. Non, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, etc. Mais je peux aller dans d'autres médias que ce qu'on nous sert à la télévision, déjà tout prémâché, etc. Je peux aller chercher des informations ailleurs. Et je ne demande pas que tout le monde soit d'accord avec moi. Ça m'est égal. Tout ce que je voudrais, c'est être libre de pouvoir choisir ce qui, en mon âme et conscience, je pense être bon pour moi. Et je pense pertinemment que ce traitement, si je l'ai, c'est ça que je voudrais avoir. Si j'ai le Covid, je peux dire, c'est ça que je voudrais avoir très vite. Parce qu'on sait que ce traitement ne fonctionne pas quand on est déjà... parce que... ça va influer sur le virus, ça ne va pas influer sur les conséquences inflammatoires après 3, 4 ou 5 jours. Voilà, il suffit de s'informer. Et on peut ne pas être d'accord. On peut ne pas être d'accord, mais pourquoi est-ce que moi, si je vais à la pharmacie, et si mon médecin me le prescrit, parce que je lui ai demandé, je dis voilà, moi je voudrais avoir ça dans ma pharmacie. Je voudrais avoir de l'azithromycine et de l'hydrochloroquine. Elle m'a dit l'azithromycine, je te le prescris. Il est là, en haut. L'hydroxychloroquine, je ne peux pas. Je dis, ah bon, pourquoi? Parce que maintenant, il n'y a plus que les... Je pense que ce sont les rhumatologues qui peuvent le prescrire si la patiente ou le patient a un lupus. Alors là, je ne suis pas tout à fait sûre de mes informations, mais c'est anecdotique. Voilà. Mais donc, je lui dis, tu ne peux plus le prescrire, alors que ce médicament était en vente libre depuis 1949. Et subitement, en janvier ou en... Depuis 1949? Je pense que c'est 1949, oui. Je pense. Vente libre. Oui, alors, pour pas grand-chose. La vente de Plaquenil, puisque c'est un médicament qui était utilisé pour, je pense, la malaria. De nouveau, je ne suis pas experte, je ne me présente absolument pas comme une experte, mais j'écoute. J'écoute et je fais mon marché. Et quand j'ai fait mon marché, je voudrais simplement être une citoyenne libre d'accepter ou de ne pas accepter un traitement qu'on me propose. Je vais donner un autre exemple. Si demain j'ai un cancer et que je vais chez mon médecin va peut-être me dire, voilà, on peut vous prescrire des rayons, on peut vous prescrire une chimiothérapie, Je veux pouvoir avoir mon libre arbitre et dire ça je prends, ça je prends pas. En mon âme et conscience, je suis une adulte. Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'on nous infantilise. Justement, j'essaye de bien vous suivre. À quel moment vous avez commencé à ne pas croire ce que les médias dominants, les médias mainstream ou les merdias, comme vous venez de dire. Comment vous avez commencé à... Parce que vous... Après 15 jours, j'ai envie de dire, très vite. Non, mais là, enfin, Là, derrière, dans votre vie, quoi, c'est venu comme ça, avec le corona, vous vous êtes dit, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, qui tourne pas rond ? Non, je sais que ça tourne pas rond. On n'a pas attendu le corona. Vous êtes déjà un peu... Vous ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte comme ça. Vous avez déjà ça en vous. Je ne sais pas si j'ai ça en moi, mais en tout cas, je sais analyser un discours politique, plus ou moins, et je peux me rendre compte que là derrière, et je vous dis, c'est bien avant le corona, évidemment, il y a des enjeux financiers, il y a, comment dire, une culture de l'entre-soi, il y a des enjeux, oui, financiers et politiques, et des enjeux de pouvoir, mais ça date, je veux dire, depuis le début des temps, ça a toujours été comme ça. Oui, mais tout le monde n'est pas conscient de ça. Hein. Vous voyez, c'est pour ça que c'est pour ça que je pose la question. C'est parce qu'il y a des gens, il va falloir déjà ramer pour se dire, pour raconter par exemple l'histoire avec un grand H, comment les choses se sont déroulées. Il y a des gens, on va pas commencer, mais par exemple les colonies, c'était très bien les colonies. On a amené la civilisation. Enfin, je parle des blancs sur les noirs. Oui, il faut déjà ramer pour être sur la même longueur d'onde, quoi. C'est pour ça que je me demandais, tiens, mais vous avez, d'où ça vient cette espèce d'esprit critique d'aller voir plus loin en étant bonne bourgeoise, duc, là, je vous charrie. Oui, oui, oui. Mais j'aime bien, moi. Évidemment, faites gaffe, il y a une guêpe là. Oui. Ouais, parce qu'elle va rentrer dans votre chemise, hein. Et oui, voilà, je me demandais. Parce qu'évidemment, on avance plus vite quand on est un peu critique sur ce qui se passe. Et évidemment, moi, je pense qu'il faut être critique sur ce qui se passe parce que c'est quand même énorme. Après, je n'ai pas les solutions, je ne fais pas de la recherche. Je me dis, c'est quoi encore tout ce bazar ? J'espère que ça va vite s'arrêter. Oui, je pense que c'est dans ma nature d'être critique. Je pense que je ne suis pas une bonne oie qu'on gave facilement. Voilà. Vous n'avez pas expliqué d'où ça vous viendrait, quoi ? D'un père critique déjà, ou d'une mère ? Mes parents m'ont toujours dit, toi, t'es vraiment une révolutionnaire, ou toi, tu es vraiment spéciale. Ouais. Voilà, donc, non. Pourquoi eux étaient plus conventionnels ? Oui, complètement conventionnels, oui. Donc, d'où ça vient ? De moi, j'ai envie de dire, de moi. Tout simplement de moi. Des rencontres, des lectures. Oui, des rencontres, des lectures. Il vous est arrivé quelque chose. Après, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails. Et même moi, j'avais envie de faire une émission radio parce que, voilà, on parle de complotisme, on parle. Ça, c'est pour empêcher la conversation. Vous voyez, c'est fatigant aussi. Et en fait, ça fait tellement du bien des gens qui se posent des questions. Ben oui. En fait, c'est ça. On se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe ? Ça demande l'énergie, se poser des questions. C'est ça. Et le problème, c'est que quand vous êtes dans un espèce de système métro-boulot-dodo, vous rentrez chez vous le soir, vous êtes complètement épuisé, éreinté, vous allumez la télé, hein, évidemment, cette chose immonde, et voilà, et vous vous mettez devant une émission complètement abêtissante, et voilà. Et le lendemain, c'est rebelote. Ça demande une énergie. C'est pas facile de réfléchir. Parfois, je me dis, ah, mais je serais tellement plus heureuse à être un peu con-con, quoi. Parce que, voilà, je me poserais pas de questions. Je mettrais mon masque dans la rue. Je me dirais, oh, ils font ça pour notre bien. C'est super et tout. Mais ce serait tellement plus facile. Mais malheureusement, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. J'ai voulu élever ma fille différemment. Pour vous donner un exemple, je n'ai pas voulu la mettre dans l'enseignement, on va dire, tout à fait traditionnel. Elle a été à De Crolly. J'aime avoir quelqu'un en face de moi qui a un esprit critique, etc. Même si ce n'est pas toujours facile. Mais voilà, voilà ce que j'aime et voilà comment je suis. D'où ça vient, c'est moi. Ça vous est tombé dessus, quoi. Ça m'est tombé dessus, oui. C'est drôle, ça. Oui. Hein ? Oui. Mais du coup, alors, oui, évidemment, alors du coup, sur cette histoire de vidéo, sur cette histoire de masque ou pas masque, cette histoire de maladie, du coup, vous vous renseignez, vous allez gratter plus loin, oui. Et vous trouvez évidemment des alternatives, quoi. Oui, des choses terribles. Comment la masse est manipulée, comment la peur est une arme redoutablement efficace, et ça, c'est pas moi qui le dis, de nouveau, je ne suis pas une spécialiste, mais tous les stratèges, que ce soit des stratèges guerriers ou des stratèges politiques, vont vous expliquer que la première chose à faire, c'est faire peur en créant un problème. Alors, je ne dis pas que le virus a été créé par l'humain. On ne le sait pas. Peut-être que ça s'est échappé d'un laboratoire. Peut-être que... Je n'en sais rien. Il y a une généticienne dont j'ai oublié le nom, qui a fait une très très bonne vidéo, très très intéressante, et qui disait que peut-être il était possible que ce virus se soit échappé par accident d'un laboratoire en Chine, à Wuhan justement, et qu'ils ont vu en France, il y a déjà eu des accidents de... Voilà, parce que il y a le facteur humain, et donc être sûr à 100%, ça n'est pas possible au niveau sécurité. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est encore un problème, je ne vais pas dire anecdotique, mais ce n'est pas ça le vrai problème. Je crois que le vrai problème, c'est, OK, maintenant, le virus, il est là, il était là. Pourquoi ça a tellement emmerdé au mois de mars? Mais ça a emmerdé parce que ça fait des années qu'on tranche dans les budgets des hôpitaux. Ça fait des années que les infirmières sont payées 1000 balles. Ou 1250 euros. Ça fait des années qu'on nous rabâche qu'il faut faire des économies, etc. Mais qui fait des économies? On fait des économies sur le service public. Quand on voit toutes les bêtises incommensurables qui s'est passé de mars à maintenant, l'histoire des masques, et puis les masques que notre gouvernement commande, et puis on les commande, mais c'est pas les bons, et puis les filtres vont pas avec, et puis non, il faut pas en mettre, il faut les garder pour le personnel soignant, puis maintenant il faut en mettre, etc. Enfin, c'est digne d'un très mauvais film. Et ces gens sont toujours au pouvoir. Ces gens sont toujours payés, je pense, 7000 euros par mois. Et on laisse faire. Et on laisse faire. Et moi, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Mais comment ça se fait qu'on laisse faire? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous traduisez la chose? Eh bien, je vais reprendre ce que vous avez dit il y a quelques minutes. Moi aussi, j'en ai marre, je suis fatiguée et j'ai envie que ça s'arrête. Et c'est tellement plus simple d'être là-dedans. C'est tellement plus simple de se dire, oh ben, pff, voilà quoi, on verra bien ce qui va se passer. Moi, ça me demande une énergie de dingue d'aller faire mes courses avec ma pancarte et ma culotte sur mon nez. C'est pas agréable, j'ai pas envie de faire ça. Je sais pas si ça va vraiment changer quelque chose, j'en sais rien. Moi, je le sais déjà, ça va rien changer. Je vous provoque, hein, mais ça va rien changer. J'ai l'impression aujourd'hui qu'on est dans une culture aussi. Allez, on fait des vidéos et c'est très bien. Hein, mm-hmm. Entendez-moi bien. Voilà, il y a un espèce d'outil de communication qui est là. Mm-hmm. Moi, je suis étonnée aussi de ça, de dire on est fâché, on est énervé, on n'est pas d'accord. Alors, je fais une vidéo. Voilà, on se lâche avec cette vidéo et puis tout le monde like et tout le monde donne son avis. Mm-hmm. Voilà, ça en reste là. Je trouve que ça fait peur aussi, ça, parce que c'est un exemple comme ça, mais il pourrait y avoir d'autres exemples où... qu'est-ce qui se passe, quoi? Là aussi, on n'est plus sur le terrain, quoi. On ne sait plus très bien comment il faut faire, j'ai l'impression. Ou bien il faut attendre qu'il se passe quelque chose de grave, un peu comme les gilets jaunes qui en ont ça claque et qui vont dans la rue pour finir. Moi, je n'ai pas la solution, hein, je fais ma maline. Mais ça pose des questions, tout ça, quoi. Je crois que... L'homme et la femme, hein, l'humain est fainéant. L'humain est fainéant. Donc, c'est vrai que cette vidéo, ça ne m'a pas pris beaucoup d'énergie de la faire parce que c'était vraiment mis comme ça. Donc, ça s'est passé assez vite et assez bien. Ce qui me demande de l'énergie, c'est d'aller mettre mon masque en dentelle et ma pancarte autour de mon cou. C'est pas gai. Alors, non, ça ne va rien changer. Je pense franchement que ça ne va rien changer. Par contre... C'est pas pour me donner bonne conscience, mais je me dis, j'aurais fait mon petit colibri. J'aurais fait la part de ce que je peux faire. Je vais pas aller m'immoler place de Brouckère, hein, ça je vais pas faire. Voilà. Mais c'est ce que je peux faire en tout cas aujourd'hui et maintenant. Dans l'énergie que j'ai, dans le positionnement que j'ai, etc. Et c'est clair que si tout le monde faisait comme moi, ou... Pas spécialement comme moi, mais si tous ceux, en tout cas, qui ne sont pas d'accord, parce qu'il y a plein de gens qui sont d'accord avec le masque, hein, y a plein de gens qui ont peur, il y a plein de gens qui sont terrorisés, il y a plein de gens qui croient que notre gouvernement fait ça pour notre bien. Hein. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Vous voyez, est-ce que c'est vraiment les gens, le problème? Est-ce qu'on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un qui a peur? Quelqu'un a peur, vous voyez? Je pense que ce qui est important pour moi, c'est que tout le monde a le droit d'avoir son opinion. Ça, c'est important. Je ne suis pas ici en train de dire que tous les gens qui ont peur sont des cons et qu'ils n'ont rien compris, etc. Je pense que voilà, tout le monde a le droit. J'ai une de mes amies, d'ailleurs, qui m'a envoyé un très joli petit mot et qui m'a dit, Demi, vraiment magnifique ta vidéo, quel courage tu as. Je ne vais pas la partager parce que je ne suis pas d'accord avec toi. Je mets mon masque. Moi, ça n'empiète absolument pas sur mon sentiment de liberté. Mes chapeaux pour ce que tu as fait. Eh bien, c'est parfait. Elle reste mon amie. Il n'y a aucun souci. Elle va venir ici. Elle va peut-être mettre son masque. Et si elle veut que je le mette parce qu'elle a peur, comme je l'ai dit dans ma vidéo, je mettrai mon masque. Et pas mon masque en dentelle. Je mettrai un vrai masque. Mais je ne supporte pas. Ça, c'est vraiment... Ça me rend hystérique. Je ne supporte pas qu'on m'impose quelque chose de non seulement non efficace et même délétère, parce que je suis persuadée que mettre un masque pour aller faire une promenade d'ici pendant une heure d'aller promener mon chien, c'est pas bon pour moi. Ça, je refuse qu'on me l'impose parce que des dirigeants sans foi ni loi, parce que c'est ce qu'ils sont, j'en suis certaine, sans foi ni loi, ils sont pas cons, hein. Ils sont pas cons du tout. Pas du tout. Qu'il nous impose ça, ça me rend folle. Ça me rend folle. Oui, c'est peut-être à ce niveau-là, je vous comprends peut-être un peu mieux aussi, à ce niveau-là qu'il y a quelque chose qui se joue, c'est mené, tout ça est mené comme une grosse foire. Mais complètement. Mais comme vous dites, ils ne sont pas cons. Je veux dire, si nous, on y pense, je ne vois pas pourquoi eux, vous voyez. Bien sûr. Donc, il y a quelque chose qui se trame derrière ça. Et on se demande quoi ? Moi, je ne me demande pas quoi, je sais. Ah bon ? Je pense savoir. Ah ben, dites-moi vite alors. Qu'est-ce qui se trame derrière tout ça ? Moi, je pense que c'est la vaccination de masse. Et je ne parle pas de puces et de trucs comme ça, je ne parle même pas de ça. Vous vous rendez compte la manne financière que ça va être de se dire que toute la population mondiale va être vaccinée ? Mais c'est juste gigantesque. Obligatoirement, quoi. Un vaccin obligatoire. Oui. Et même si ce n'est pas obligatoire, même si que les gens qui ont peur et les gens qui adhèrent à ça le font, mais ça va être bingo. Ça va être bingo. Alors, il y a des théories qui vont plus loin et sur lesquelles je n'ai pas vraiment d'opinion, qui disent que... Non seulement dans le vaccin, il y aura une puce, que voilà. Moi, j'ai regardé aussi pour voir c'était quoi, qu'est-ce qui se racontait. Et c'est ça qu'on parle de théorie du complot. Voilà. Donc là, j'ai envie de dire que j'ai pas d'opinion. Je n'en sais rien. Mais j'ai une opinion sur le fait que oui, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent du vaccin pour tout le monde. Ils veulent du vaccin pour tout le monde. Moi, ce sera non. C'est clair. Du contrôle aussi. Un peu. Mais là, ils nous contrôlent bien déjà. Oui. Ils nous contrôlent. J'ai l'impression qu'on rentre aussi dans une nouvelle étape comme ça où il y a quelque chose qui est occupé à se mettre en place. Parce que, évidemment, durant le confinement, on a pu voir, mais je ne sais pas très bien c'est qui ce on, hein, mais on a pu voir comment les gens consommaient beaucoup plus du Amazon, puisqu'on était tous enfermés. Enfin, ils ont paraît-il, pu voir tous les, comment dire, je dirais, les algorithmes qui fonctionnent à plein pot, quoi, là aussi. Enfin voilà, il y a un côté qu'on maîtrise pas du tout en fait avec tout ça. Non, on maîtrise rien, on est complètement à leur merci et c'est ça qui est affolant. C'est ça qui est vraiment affolant. On est à leur merci pour notre santé, puisque pour moi, effectivement, mettre un masque, je suis pas contre le fait d'aller mettre un masque dans un super magasin où il y a plein de gens, plein de monde, etc. Simplement, je vais pas dans ce genre de magasin là, donc ça ne me concerne pas. Voilà. Mais j'ai tout à fait perdu le fil de ce que je disais. Oui, donc je n'étais pas absolument contre le port du masque dans certains endroits. Aujourd'hui, j'ai été voir ma maman. Évidemment que j'ai mis un masque. Évidemment que j'ai mis un masque. Ouais, mais là, je crois qu'on l'a bien entendu. Vous n'êtes pas contre le masque. Et même s'il y a quelqu'un qui a peur et qui se sent mal, vous mettrez votre masque parce que vous... c'est pas ça le souci, en fait. C'est pas ça le souci, mais je veux pouvoir choisir que si je... En fait, je voudrais qu'on fasse appel au bon sens des gens. Et c'est pas ça qu'ils font. En fait, ils essayent d'y faire, d'y faire référence par la peur. Mais quand vous dites « ils », c'est quoi ? Ils, le gouvernement, ceux qui nous dirigent, ceux qui nous gouvernent. soit dit en passant, qu'on n'a pas élu, hein, toujours. On est toujours avec un gouvernement fantoche, là, mais bon, ça c'est la Belgique, ça c'est encore un autre problème. Voilà. Ouais, je suis un peu bloquée, moi aussi. C'est que de l'eau, malheureusement. Oui. Mais oui. Comment vous voyez la suite? Parce que on entend, c'est bientôt la rentrée. On entend Kiroko. Simplement une chose, vous vous rendez compte? Donc là, on est en été. En été, il n'y a quasiment pas de malades. On est bien d'accord. On va dire en temps normal, il n'y a jamais de malades. Normalement, à la rentrée, le mois d'octobre, etc., on va commencer à avoir des rhumes, on va tousser, on va avoir le nez qui coule, etc. Vous rendez compte de la panique que ça va être? Chaque personne qui a le nez qui coule ou qui a mal à la gorge va se dire qu'il a le Covid. Mais octobre et novembre, mais ça va être une catastrophe. Une catastrophe. Les faillites, les divorces, les suicides. Mais voilà, c'est pour ça que je dis qu'en fait, à un moment donné, il faut voir quand on met des mesures en place, ce que la mesure va apporter de bon et ce que la mesure va apporter de négatif. Et là, pour moi, de nouveau, je ne suis pas experte, mais j'essaie de... Et beaucoup d'experts pensent comme moi, ou peut-être que je peux dire que moi, je pense comme beaucoup d'experts, sont en train de dire que les mesures prises font beaucoup plus de mal que d'apporter de la sécurité sanitaire. En fait, on est en train d'aller vers une société hygiéniste, où le risque zéro devrait prévaloir. Et j'entendais dernièrement une journaliste qui interrogeait le professeur Fontaine sur, de nouveau, un média mainstream, je crois que c'était sur LCI, je crois, en France, et il était en train d'être rassurant et d'expliquer vraiment les cas, les nouveaux cas, c'est pas le nombre de malades. Les cas, c'est des gens qui sont asymptomatiques, c'est des gens qui sont testés positifs, mais qui ne sont pas malades, voilà. Et elle lui disait, ah donc, le risque, on n'est pas encore au risque zéro. Mais non, madame, on ne sera jamais au risque zéro. La vie, ça n'est pas le risque zéro. La vie, c'est se tromper, c'est tomber, c'est se blesser, c'est se faire mal, c'est se relever, c'est être malade, c'est guérir. Ça, c'est la vie. Le risque zéro, ça s'appelle une chambre stérile à l'hôpital. Moi, je ne veux pas vivre là-dedans. Je refuse ça. Et ce n'est pas bon pour nous. Et ce masque, quand je disais que je pensais que c'était délétère... D'abord, respirer ses propres microbes en permanence. Là, il fait chaud en plus. Mais même s'il ne fait pas chaud, ça n'a pas de sens. On n'est pas bien oxygéné. On ne peut pas respirer l'air plus ou moins pur. On est en ville, mais quand même. Notre système immunitaire. Alors, admettons que ce masque fonctionne. OK, on part sur ce postulat-là. Ce masque fonctionne et fait barrière entre nous et tous les agents pathogènes qui nous entourent. Que fait notre système immunitaire? Il se dit... Oh, mais moi, je ne dois plus me battre, là. Je pars en vacances. OK. Quel est l'état de notre système immunitaire maintenant? Alors, le mien, il va très bien. Le masque, je le mets une demi-heure, trois fois par semaine pour aller faire mes cours, justement. Ailleurs, je ne le mets pas. Voilà. Et ce n'est pas moi qui dis ça. Il faut absolument aller se renseigner chez des gens qui sont des spécialistes, chez des gens qui ne sont pas manipulés, chez des gens qui ne sont pas payés. Mais j'ai l'impression... J'ai l'impression que c'est depuis peu qu'on entend enfin quand même des paroles de gens qui disent ça ne va plus, ne va pas, ce qui se passe. Parce que quand vous dites peu, vous voulez dire depuis mars ou depuis peu Non, on va dire que depuis mars, voilà, le virus il tombe, tout le monde a peur, qu'est-ce qui se passe, on trouve une méthode de confinement, voilà, on sait pas très bien. Non, moi je parle de... Avec cette mesure, il faut mettre un masque dans les magasins. Puis maintenant, c'est tout le temps, voilà, partout, dans les rues, à Bruxelles, il faut mettre un masque. Point. Je trouve qu'il y a très peu de voix, justement. Où sont les gens, quoi? Où sont les gens qui... Les médecins, les gens qui sont en contact direct avec tout ça? Où sont les intellos? Où on est, vous voyez, que ça fasse la une des journaux. Enfin, je ne sais pas, moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait, mais ce n'est pas dans les journaux que ça fera la une. Mais pourquoi pas? À un moment donné, je veux dire, c'est comme vous. La faute du gouvernement, bien sûr. Je veux dire, ils sont le soir, la dernière. Alors, de temps en temps, il y a un article qui sort comme ça où ils disent que, ah, tiens, le médecin tel a dit que finalement. Alors, justement, l'article de M. Rentier, ben, il a été dans la presse. Mais le problème, c'est un article comme ça pour 20 articles qui disent on va tous mourir. Et vous savez pourquoi il y a un article comme ça ? Parce que ça, c'est une règle dans la presse. Pour, je suis pas spécialiste, mais un spécialiste me l'a expliqué. Pour continuer à avoir quand même un certain crédit, ils vont mettre un article comme ça de M. Rentier qui dit, attention, les chiffres de CNCO, là, c'est pas, voilà, c'est comme ça. Ils vont en mettre un pour après aller en diffuser 10 ou 20, je ne vais pas dire qu'ils disent le contraire, mais qui affolent les populations. Mais ils disent, liberté de la presse, nous, regardez d'ailleurs, on a publié l'article concernant M. Rentier et la critique sur les chiffres. Mais oui, mais dans la masse, ça se fond. Et les gens, voilà, vous savez, c'est un petit peu chez les gens, j'ai l'impression, enfin, chez une grande partie de la population, c'est un peu le dernier qui a parlé qui a raison. Et comme ces gens, ce gouvernement, tout ce qui est là derrière, ils ont, une méthodologie pour se faire entendre, eh bien, ça a plus de poids que le monsieur Rentier qui a dit une chose et que c'est passé dans trois journaux différents. Maintenant, je pense que les choses changent, sur les réseaux sociaux, les choses changent. Mais de nouveau, tout ça est très... Les réseaux sociaux, ça change. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Mais sur les réseaux sociaux, vous avez accès à des informations qui ne sont pas dans les médias mainstream. Oui, voilà. Du coup, qui croire, comment croire, hein, on peut mettre tout et n'importe quoi. C'est compliqué aussi. Hein. C'est très compliqué. C'est très compliqué, bien sûr. Mais quand je vois quelqu'un... Il faut être un petit peu... être logique et sensé. Quand on voit un gars comme le professeur Raoult, qui est professeur, un des plus éminents virologues depuis des années, qui a des diplômes, une quantité de diplômes extraordinaires. Ouais, mais ça veut vraiment... Ça, hein, passe encore. Voilà, mais qui a une quantité de diplômes extraordinaires, qui était encore jusqu'à peu adulé par tout le monde, même par le monde politique, etc. Au mois de mars, lui, il dit, OK, j'ai un traitement qui n'est pas le traitement, on va dire, extraordinaire, mais chez moi, ça marche. Et en 15 jours, le gars se fait traiter de fou furieux, on le descend, il passe sur les radios, il se fait pas descendre, parce que lui, il est très, très intelligent. Ce gars, c'est une pointure, voilà. Ouais. Et puis, il est déjà là depuis plein d'années, il peut pas se faire descendre comme ça. Hein. Exactement. Mais donc, il y a tout ce process-là qui se met en route, et lui, il est là, bien tranquillou. Il dit, au début, je ne sais pas, je pense pas qu'il y aura une deuxième vague. Je pense que ce virus, il va être en cloche comme tous les virus, comme toutes les pandémies, etc. Et il est là, et il avance. Et les médias, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ergotent sur sa coupe de cheveux. Ils ergotent sur sa grosse bague qu'il a. Voilà. C'est vrai qu'on est dans un monde de tarbes. On est dans un monde de ch'tarbés, hein, quand vous y pensez. Voilà. Voilà. Et ça fait le buzz. Ça fait le buzz. Voilà. Mais c'est terrible. Je pense qu'on est vraiment à l'aube de quelque chose dont on n'a même pas... qu'on ne peut même pas imaginer. Et j'espère, comme je disais à une de mes amies dernièrement, j'espère tellement que je me trompe. Je n'ai pas du tout envie d'avoir raison sur ce coup-ci, mais vraiment pas. J'espère que dans 3 mois, on va dire, d'homme, t'as vu tes trucs là, de complotiste et de... Regarde, tout va bien maintenant. Ah, oh, chouette, tout va bien. Mais je pense pas. À l'aube de... Je sais pas. En tout cas, on va au clash, je pense. Et quand j'imagine la rentrée, les parents qui ont des enfants qui ont 12 ans et qui vont devoir rentrer à l'école avec des masques, je me dis, mais mon Dieu, quoi. Mon Dieu. Alors qu'on sait que chez eux, tout va bien. Je veux dire, on n'a jamais mis de masque quand il y avait la grippe. Jamais. Et ce procédé qu'ont les médias moi, je regarde plus la télé depuis des années, mais le procédé des médias qui, tous les soirs, disent « Aujourd'hui, il y a X morts en Belgique. » Mais il n'y en a pas plus maintenant qu'avant. Mais si on vous assène ça tous les jours, mais vous dites « Ah, mais s'ils en parlent, c'est que c'est grave. » Voilà, c'est un procédé de manipulation de masse. Maintenant, c'est mon opinion, ça n'engage que moi, et je respecte aussi les gens qui pensent que ce n'est pas ça. Il n'y a pas de problème, mais c'est ma... Voilà, c'est mon opinion. Oui, c'est votre manière, et moi, c'est ça qui me fait plaisir, quand même. Je discute avec une voisine que je ne connais pas, je dors chez quelqu'un, chez une amie, je discute avec la voisine que je ne connais pas, et tout de suite, on est sur la même longueur d'onde. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce monde? Vous voyez, on ne doit pas se battre, mais même, ce n'est pas une question de se battre, mais... C'est rassurant aussi de se dire « Ah, tu es d'accord avec moi qu'il y a quelque chose qui se passe de bizarre ?» Oui. C'est pas qu'on a envie de croire ou que ça fait plaisir de voir que ce monde qui est occupé à se mettre en place, on se pose des questions, vous voyez. Et si vous êtes critique, mais ouais, c'est encore plus compliqué parce que qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et moi, tant qu'il y aura des gens comme vous qui se posent des questions, ben, ça fait plaisir aussi, ça, de se dire ça. Oui, oui, tout à fait. Non oui. Pas vous, ça, c'est, vous ne trouvez pas que ça... Oui, on se sent moins seul, bien sûr. Mais j'ai envie de dire, avec ça, on est bien, quoi, de se sentir moins seul. Moi, c'est pas ça que je voudrais. Moi, je voudrais justement que les choses bougent. Et les choses ne bougent pas. Peut-être, dans un premier temps, c'est ne pas se sentir tout seul et de se dire, OK, il y a quelque chose de bizarre, OK, t'es d'accord et on va voir la suite, parce que, voilà, c'est tout nouveau. Ce que j'aime pas, c'est ça, c'est on va voir la suite. Parce que je crois qu'à un moment donné, on va se réveiller que ça va être trop tard. Oh non, dites pas ça, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est trop tard? Voilà, c'est quoi trop tard? C'est jamais trop tard. C'est parce que là, on prend le temps de comprendre ce qui se passe, il faut du temps, ça tombe au trompe, on ne sait pas très bien, mais attendons de voir. Et peut-être là, des gens vont sortir aussi. Je l'espère. C'est jamais trop tard, moi, je crois, pour un moment donné. Pourquoi ce serait trop tard? Ça fait comme s'il y avait un couperet comme ça, boum, et on ne sait plus faire marche arrière, ou on ne sait plus... Non, ce n'est pas ça. C'est pas le fait... Quand je dis c'est trop tard, c'est pas il y a un couperet qu'on ne sait pas faire marche arrière. Je veux dire, c'est trop tard, on aura déjà trop souffert. C'est ça que je veux dire. On aura tellement souffert alors que ça aurait pu être arrêté avant. Parfois, il faut aller tellement loin. Vous voyez, il faut que la situation dégénère tellement avant que les gens se réveillent. C'est ça que je veux dire. Ça va être trop tard. C'est pas trop tard. À un moment donné, ça va se réveiller. Mais mon Dieu, quel dommage collatéraux il y aura derrière. Ben là-dessus, si je peux vous rassurer, après, tout doucement, on va aller vers la fin. C'est que moi, je pense, quand vous avez une vue, il ne faut pas s'arrêter à ici maintenant, le corona, hein, quand vous avez un peu une vue à long terme sur l'histoire avec un grand H, je veux dire, regardez l'histoire, elle est horrible. Oui, tout à fait. Je veux dire, oui. On ne peut pas... Enfin, là, on est déjà arrivé, même avant le corona, regardez comment on vivait, quoi. Enfin, je veux dire... et encore, il y en a qui vivent mieux que d'autres, mais regardons un peu comment on est devenu. Mm-hmm. Donc ce corona ne fait que révéler ou réveiller quelque chose. Complètement. Et voilà, voyons, pour moi, on est même avant le corona, on est déjà dans des manières de vivre qui sont complètement à la masse, quoi. Mm-hmm. Je veux dire, ça peut peut-être vous rassurer. Oui. Oui. Et que... Ça, c'est la méthode Coué, hein. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Mm-hmm. Voilà, il y a des gens... Moi, je sais que ça va, j'ai un peu de chance. Mais quand vous regardez un peu l'histoire, comment les gens vivent, comment on vit, comment on travaille, comment on consomme, comment on mange de la merde, comment... Regardons tout ça, c'est hallucinant, quoi. Voilà. Oui, sauf que j'ai envie de dire que je ne mange pas de la merde. Oui, vous. Voilà, je n'ai pas un boulot qui m'emmerde. Oui, vous. Bien sûr. Mais regardons la masse aussi, vous voyez, c'est ça que je veux dire. La masse fait fonctionner, elle a été... transformer aussi pour faire fonctionner tout ça, quoi, quelque part. Je simplifie un peu la pensée, hein, mais... Et évidemment, il y a des privilégiés dont je fais partie, hein, et qui font encore ce qu'ils aiment, qui mangent pas de la merde tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Et peut-être c'est notre capacité aussi à refaire du commun, à se dire mais... C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le fait... Alors, c'est pas que une chance, parce que je pense qu'on n'a pas de chance, pas que de la chance ou de la malchance dans la vie. Je crois que c'est aussi un travail et une remise en question et un travail personnel. Mais c'est ce que je vous disais, si vous êtes dans le métro boulot dodo et que vous avez deux enfants, que vous êtes par exemple une mère célibataire ou pas, hein, mais que vous êtes noyée, vous n'avez pas d'énergie pour aller plutôt dans ce magasin-là parce que c'est bio. Ou... Non, vous êtes noyée et vous êtes, voilà, vous êtes juste en train d'essayer de survivre. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Et c'est triste, c'est malheureux. Donc j'ai quelque part cette liberté de temps et d'esprit pour me préoccuper de ça. Et j'en suis tout à fait consciente. C'est pas pour ça que c'est confortable. Mais ça, oui, il y a personne qui dit que c'est confortable. C'est complexe. C'est complexe. Mais peut-être ce qui nous manque dans notre société, c'est justement d'arrêter de faire des tiroirs avec moi ça va, je m'en sors, je bouffe pas de la merde, mais regardez eux, les gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils demandent encore des taxes là, ils consomment, vous voyez, c'est mal foutu le système, ou c'est bien foutu justement pour qu'on soit tous dans des petites niches et pas à faire du commun, quoi, vous voyez, il y a ceux qui complotent, il y a ceux qui ceci, vous voyez, c'est tout le temps comme ça, on peut pas se dire allez, il y a quelque chose qui se passe de fort, là, il faut qu'on se prenne en main tous, il faut qu'on se pose des questions. Je pense que ce qui nous manque le plus, c'est la solidarité entre nous. C'est ça qui nous manque le plus. Et je pense vraiment que tout le système est fait, donc cette surconsommation, tout le système qui fait qu'on ait envie de consommer, qu'on nous crée la pub, quoi. Besoin, la pub, etc., fait qu'on ait des gentils consommateurs. Voilà. Que je suis aussi, parce que j'ai tous mes, mes ambivalences. Je consomme aussi, je roule en voiture. On vit dans ce système, on est... Dans ce système, voilà. Mais déjà, en être conscient, être solidaire avec les autres, essayer de faire son petit colibri. Voilà. Et il y a plein de gens comme moi. Il y a plein de... gentilles dames blondes du clin qui sont engagées, qui... On ne savait pas que vous étiez blonde hein, avant que vous le disiez. Ça y est. C'était pour compléter le tableau. Comme ça, je suis carrément dans tous les stéréotypes. Blonde, bourge et hucle. Excellent. Voilà. Allez, les petits mots de la fin alors sur tout ça, ou bien vous avez dit tout ce que vous avez... J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Là-dessus, je vais aller me faire un bon petit verre de rosé. Voilà, et voir un petit peu ce que l'avenir va nous donner, et surtout ce que nous on va en faire, parce que je pense que c'est ça, il faut pas se dire qu'est-ce que l'avenir va nous donner, je pense qu'il faut se dire qu'est-ce qu'on va en faire. Voilà pour le mot de la fin. Merci à vous, hein. Merci à toi.